Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, aujourd'hui, nous retrouvons l'association Lorraine de musique de chambre, avec qui désormais nous avons régulièrement des émissions, pour présenter la saison 2023-2024. J'ai donc le plaisir d'accueillir dans notre studio Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Bonjour. Bonjour Thierry. Et puis Ghislaine Dalman-Richard, qui l'accompagne, qui est chargée de communication, de la promotion de l'association, de faire connaître les concerts, de les présenter un peu dans la presse, et donc le travail habituel d'un chargé de com. Bonjour Ghislaine. Alors, une saison de l'association Lorraine de musique de chambre qui est déjà bien entamée. Philippe Fosseux, quel bilan pouvez-vous d'ores et déjà tirer de cette saison 2023-2024? Eh bien écoutez, je dirais que c'est une saison qui est effectivement très bien entamée, le public suit bien, les abonnés ont augmenté en nombre de manière tout à fait significative, et on a une assistance et des spectateurs individuels qui sont de plus en plus nombreux. Donc nous on est tout à fait heureux de cette situation, et j'espère qu'elle va durer bien évidemment. Alors, donc, le prochain concert, c'est vraiment très prochainement, le lundi 11 mars, puisque ce sera le concert du quatuor Modigliani qui fête ses 20 ans. Alors, le concert précédent était un concert de piano, ensuite il y aura un concert en trio. Est-ce que c'est important pour vous d'alterner les formations, de proposer des formations différentes lors de chaque concert? Évidemment, on parle de musique de chambre dans son ensemble, bien évidemment le piano a sa place, bien que les puristes diraient que c'est pas de la musique de chambre, c'est du récital, mais bon, allez, on va dire que c'est de la musique de chambre. Et bien évidemment, la musique de chambre, c'est aussi le quatuor, c'est aussi la formation à deux en sonate, piano-violon, piano-violoncelle, c'est le trio, c'est même parfois au-delà, comme on le fera pour au mois de juin, dont on parlera plus tard avec Sirba Octet, qui est un octet, comme son nom l'indique, et en plus avec un chœur de 40 jeunes derrière, 40 enfants de la maîtrise de Metz. C'est étonnant comme oui, formation. Oui, c'est une formation étonnante et un programme extraordinaire. Mais on aura l'occasion d'en parler et d'écouter des extraits la prochaine fois que vous m'inviterez, si vous m'invitez une prochaine fois. Donc oui, il faut varier de façon à ne pas lasser le public lui donner le plus grand échantillon possible de ce qui se fait sur le terrain. Alors le quatuor Modigliani, je le disais, fête ses 20 ans cette année. Et ce concert, dans le cadre de l'association Lorraine de musique de chambre, propose un programme ambitieux, les trois pièces pour quatuor de Stravinsky. Ça, c'est assez rare. C'est très rare parce que, bon, on va dire que ce sont des pièces un tout petit peu difficiles, sont pas les pièces habituelles. Je pense que Stravinsky s'est beaucoup amusé. Mmh. Il dit qu'il n'a pas été influencé par Webern ou par Schoenberg. Moi, je dirais qu'il nous raconte des babards, là, parce que... Ça sort de la tonalité, tout à fait. Ah oui, c'est délicieusement atonal. Si vous voulez, ça n'est pas épouvantablement atonal, c'est délicieusement atonal. J'adore l'expression, je retiendrai ça, hein, délicieusement atonal. Et puis ensuite, il y aura au programme le quatuor numéro 3 de Dimitri Shostakovich. Là encore, c'est un répertoire assez ardu. Oui, ardu, mais pour les interprètes comme pour le public. Très facile très facile d'écoute, ça. C'est un quatuor qui est tout à fait entraînant, c'est un quatuor qui a beaucoup, beaucoup de qualité, de valeur, et je pense que les spectateurs vont y adhérer très facilement. Et enfin, le programme se terminera avec un grand classique du quatuor à cordes, le quatuor opus 59 numéro 1 de Beethoven, quatuor Razumovsky. C'est ça. Alors ça, c'est un des trois Razumovsky qui ont été composés dans l'opus 59. Donc on jouera le numéro 7, le numéro 1 qui est le numéro 7 dans sa composition, dans l'ordre de composition. Oui. Bon, qui est un monument tout à fait intéressant. C'est le grand Beethoven, le Beethoven des quatuors. Il est en pleine inspiration. C'est vraiment ça va être un très très très beau moment. Ouais, c'est vrai. En plus, c'est une œuvre qui date de l'année 1806, particulièrement féconde, puisque il y a les symphonies 5 et 6. Tout à fait. C'est plus un... différentes sonates parmi les plus célèbres. Mmh. Et donc, il faut noter que le Quatuor Modigliani fête ses 20 ans. Ils ont été créés en 2003. Alors, on est à la fin de la tournée d'anniversaire. Donc, ils ont joué un petit peu partout en Europe et en France ce programme. Qui, disent-ils, passe très très bien. Alors, on va écouter une œuvre interprétée par le Quatuor Modigliani. Je vous ai demandé, comme à chaque fois, de nous concocter un programme musical. Et vous avez choisi une œuvre que je ne connais pas. Je vais découvrir avec les alors, auditeurs. Non, vous la connaissez certainement, mais... Ah, je vais la reconnaître. Oui, alors. Mais vous la reconnaîtrez, voilà. Comme tout le monde la reconnaîtra, je pense. Donc, c'est du Leroy Anderson. Anderson, qui est un compositeur américain, dont les œuvres sont très connues. La plus connue a été popularisée par Michel Leeb avec le concerto pour machine à écrire. Voilà. C'est de l'amusement. La musique humoristique. Humoristique, et le Quatuor Modigliani l'a inséré dans un de leurs CD qu'ils ont appelé Portrait. Ouais. Qui était un petit peu l'essence même de la création de Modigliani, puisque Modigliani a été choisi parce que on leur a dit que c'était des portraitistes. Ah. Ils ont choisi un portraitiste qui était Modigliani. Voilà. Le titre de l'album était un clin d'œil à leur nom. Totalement. Allez, on va écouter cette pièce jouée donc par le Quatuor Modigliani. Ah, ils s'amusent bien, hein, les musiciens du Quatuor Modigliani. Une pièce de Leroy Anderson, Ping Plonk Punk, c'est ça? Et Pling Plonk Plonk. Voilà, le choix de Philippe Fosseux, mon invité, qui est le président de l'association Lorraine de Musique de Chambre. Et je rappelle que le Quatuor Modigliani sera en concert Salle Poirel à 20h le lundi 11 mars. Il reste encore des places? Il reste encore quelques places, oui. Ouais. Comme toujours, ça s'accélère beaucoup dans les derniers jours. Ouais. Mais il reste encore quelques places si on se dépêche. Est-ce qu'on peut préciser que les étudiants ont un tarif tout de même privilégié? Oui, alors les étudiants payent 5,90 €, c'est-à-dire que c'est pour écouter un des meilleurs quatuors européens, voire mondial, c'est vraiment pas cher. C'est vrai. Il faut le souligner parce que souvent, les gens ont l'impression que la musique classique, les concerts de musique classique coûtent beaucoup plus cher que ceux de variété, par exemple, ce qui voudrait dire que ce soit que la musique classique est réservée à une élite ou à une classe sociale. C'est pas vrai. Pas du tout, parce que nos prix, même pour les prix plein tarif pour les meilleures places, sont des prix qui sont souvent deux fois inférieurs à ce qu'on peut payer à Metz, qui est quand même plus cher un petit peu que nous, mais surtout à Luxembourg, où quand on écoute des grands artistes à Luxembourg, on paye beaucoup plus cher qu'ici. Alors, il y aura un autre concert qui suivra de près, d'ailleurs, le concert du 11 mars. C'est le 29 avril. Oui, enfin, il y a un mois et demi d'écart, oui, à peu près. Oui, un mois et demi, quoi. C'est le trio Stimmung qui a été constitué autour du pianiste Michael Levinas. C'est ça. Michael Levinas, qui est aussi compositeur. Alors, c'est un compositeur de musique contemporaine. Lui, c'est le chantre de la musique sérielle. Alors, il ne va pas nous faire du tout de musique sérielle cette fois-là. Il vient avec deux de ses complices que sont Raphaël Chrétien au violoncelle et Christophe Giovanninetti au violon, qui sont deux grands artistes avec Levinas lui-même, qui est un immense pianiste et, je le rappellerai aussi, qui est académicien. Oui, et qui est le fils de son père, c'est-à-dire le grand philosophe. Voilà, exactement, et le fils de son père. Donc, on a là un plateau tout à fait étonnant, avec un trio de Grieg, on aura un trio de Dvorak, et puis on aura le grand archiduc, le grand trio de Beethoven. Donc, on rappelle, c'est le 29 avril. 29 avril. On va écouter encore un peu de la programmation que vous nous avez concoctée avec Rossini. Vous avez choisi la petite messe solennelle de Rossini. Alors, pourquoi ce choix qui est très éloigné, finalement, de la musique de chambre ? Oui, mais j'ai plaisir à être éclectique dans mes choix. La musique de chambre, j'en écoute beaucoup, j'en entends beaucoup. Mais j'écoute aussi beaucoup de musique assez différente. Et Rossini a toujours été cette petite messe de Rossini, pas si petite que ça d'ailleurs, a été toujours un de mes morceaux préférés. Donc c'est pour ça que je l'ai programmé. Et en particulier l'introït, le Kyrie, alors cette musique est une musique tout à fait différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre dans la musique sacrée. D'ailleurs, Rossini disait lui-même, je ne sais pas si j'ai fait de la musique sacrée, mais en tout cas j'ai fait de la sacrée musique. Ce qui est vrai d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et j'ai en plus le plaisir, moi, de l'écouter dans la version tout à fait originale, parce que il y a une version orchestrale qui a été faite par lui aussi, mais plus tard. Sa version originale était faite avec deux pianos et un harmonium. Un chœur, bien sûr. Et c'est cette version-là qui a été reprise par un groupe de musique ancienne de italien et qui a fait un travail absolument formidable avec deux très beaux pianos, un Pleyel et un Erard. Piano d'époque. Piano d'époque, un 1830 et un 1840 et quelque chose. 56. Pardon ? 56, pardon. Non, mais je triche parce que j'ai le... Oui, voilà, vous avez le papier devant vous. Le papier sous les yeux. Et puis, il faut dire aussi donc que l'harmonium est un Alexandre. C'est un de très beaux... On n'a plus beaucoup de morceaux pour harmonium. On les trouve dans les églises, c'est des vieux machins. Là, c'est un très bel harmonium et un chœur de toute beauté. Vous allez voir, c'est vraiment très chouette. Alors c'est très inspiration opéra, c'est pas du tout de la musique sacrée habituelle. C'est le reproche qu'on a souvent fait d'ailleurs aux compositeurs italiens, c'est d'avoir écrit des musiques sacrées trop lyriques en quelque sorte. Oui, mais c'est la même chose pour le Requiem de Verdi d'ailleurs. Honnêtement, quand on est en Italie et qu'on les écoute chanter, on se doute qu'ils peuvent pas faire autre chose que ce grand bel canto qui est leur essence et leur chant fondamental. Allez, on en écoute un petit peu, le début de la petite messe solennelle de Rossini. découverte, je pense, pour beaucoup, la version originale de la petite messe solennelle de Rossini, avec le chœur Grislieri et puis direction Giulio Prandi et deux pianos, Cristiano Gaudio, Francesco Corti. Magnifique, hein, Philippe Fosso. Très, très beau, très, très agréable à écouter et en même temps tout à fait entraînant. Hein, ces rythmes qu'on reprend au piano et à l'harmonium là, sont magnifiques. Alors, il sera aussi question de chœur le 2 juin 2024, évidemment, à 16h, salle Poirel, puisque le Sirba Octet sera accompagné, entouré par la maîtrise de la cathédrale de Metz. Et là aussi, il sera question de chant choral. Ce sera du chant choral, mais ce sera du chant, disons qu'on va tourner autour de l'exil, autour des peuples opprimés, autour de la Shoah. C'est de la musique klezmer, c'est de la musique gypsy. Ça, c'est très agréable, très entraînant, très émouvant en même temps. Et j'ai déjà assisté deux fois à ce spectacle et je le trouve absolument merveilleux. Donc je vais me faire plaisir une troisième fois. Qui tourne un peu partout en France. Hein, il tourne partout en France. Il travaille avec l'Orchestre National de France, les chœurs de l'Orchestre National de France. Il est passé aux Champs-Élysées, il est passé partout en France et en Europe. C'est un très beau spectacle. Alors, c'est la 77e saison, je crois, de la LAC. Oui. Et pourtant, j'ai été surpris parce que j'ai découvert que la sonate Deutsch 959, qu'a interprétée Adam Laloum, lors du dernier concert qui a eu lieu il y a quelques jours, salle Poirel n'avait jamais été donnée dans le cadre Exactement. De la LMC. Alors, est-ce que vous êtes aussi attentif à proposer des œuvres qui n'ont jamais été jouées dans le cadre de l'association? Alors, je ne le mets pas comme condition d'un programme, mais lorsque ça existe, j'aime bien le faire de façon à dire aux gens qu'on essaye de leur faire entendre des nouvelles choses. Alors, vous me direz, les spectateurs d'il y a 77 ans ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Enfin, pas tous, en tout cas. Mais c'est vrai que très régulièrement, dans chaque programme, il y a d'ailleurs une page dans le programme qui s'appelle « Dans le rétro, où ils ont joué les œuvres de notre concert de ce soir », je reprends tous les interprètes et toutes les dates auxquelles ont été jouées les œuvres du soir. Et en règle générale, j'en ai toujours une qui n'est pas jouée. Ouais. Donc une saison, ça se prépare combien de temps à l'avance, à peu près ? Bien, écoutez, entre, allez, on va dire 2 ans. Deux ans. À peu près. Moi, j'ai deux. Actuellement, je suis en train de préparer, de démarrer la saison 26-27. Avec quand même l'épée de Damoclès des subventions, j'imagine. Oui. Contexte économique difficile pour la culture. C'est exact, mais on a la chance d'avoir une toute petite part de subvention, si c'est une chance, et d'être autosuffisant. On est rentable naturellement. Je veille à ce qu'on soit rentable naturellement et que la subvention ne soit faite que pour les spectacles comme le spectacle enfant, qui est un spectacle toujours déficitaire parce que les prix sont très bas, mais on le fait exprès, on le sait. Donc la subvention que nous verse la ville de Nancy, qui nous suit de manière très fidèle depuis longtemps, nous sert essentiellement pour ce type de choses et pour compenser un peu de communication que nous faisons régulièrement avec certains supports payants. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affiches un peu dans toute l'agglomération ancienne. Vous faites un très bon travail, Ghislaine, hein, parce que vous arrivez à placer vos affiches un peu partout. C'est vrai c'est important. Alors, hein. Les affiches. Alors, ce qui coûte beaucoup dans les affiches, ce sont les affiches elles-mêmes. C'est pas l'affichage, ouais. Puisque l'affichage, là encore, nous est offert gracieusement par la ville de Nancy, qui nous attribue un certain nombre de panneaux de co, ce qu'on appelle les sucettes. C'est 2 mètres carrés. Oui, c'est le oui. Jargon publicitaire. Voilà, donc les 2 mètres carrés là, mais par contre, les affiches doivent être imprimées, et des affiches de 2 mètres carrés, ça se fait à l'unité, c'est relativement coûteux, bien évidemment. Sûr. Donc il nous faut un peu de budget pour ça. Donc on va écouter un peu de musique quand même, avec votre troisième choix, c'est Alexandre Nevsky de Prokofiev. Alors c'est assez étonnant parce que je me souviens que je vous ai reçu il y a quelques temps, on n'avait pas pu l'écouter. Non. Et je vois que vous l'avez programmé à nouveau. C'est une œuvre qui compte beaucoup pour vous ? Ah oui, tout à fait, je crois que c'est un des compositeurs et une des œuvres de Prokofiev. J'aime beaucoup Prokofiev, il a fait de très très très belles choses. Et notamment ses musiques de films avec Eisenstein. Bon, et puis j'aime beaucoup la culture russe. Je parle de la culture, hein, mm-hmm. bien sûr. La culture russe, cette culture ancienne, l'imagerie russe, les posters et les affiches russes. Donc j'ai un faible pour Prokofiev et Ivan le Terrible, Alexandre Nevsky en particulier, qui sont les deux grandes œuvres cinématographiques d'Eisenstein. On en écoute un petit extrait avec une version de référence, l'Orchestre symphonique de Chicago, dirigé par le terrible Fritz Reiner. Je dis terrible parce qu'il n'était pas sympathique, hein, d'allure. C'était un phénomène. Voilà, on l'écoute tout de suite. Thank you. Magnifique extrait d'Alexandre Nevsky de Prokofiev. Oui, pas très gai, évidemment. C'est difficile à mettre en place, ça s'entend. Hein, oui. Le chœur avec l'orchestre. Très, très bon. Mais bon, il faut dire aussi que Prokofiev était en exil. Il avait quitté la Russie, il revient en 36. Il est d'abord honoré, et puis très rapidement, il est critiqué à nouveau, il est surveillé. On sent là toute la souffrance hein, de ce pays à la fois et de Prokofiev lui-même lorsqu'il compose. Le drame de tous les créateurs dans les pays totalitaires. Exactement. Bon. Et puis, le pauvre, il n'a pas eu trop de chance, puisqu'il est... On sait qu'il est mort le même jour que Staline, donc c'est passé un petit peu à l'as, quoi. Eh oui, c'est vrai que c'est un compositeur qui est mort très jeune, finalement. Hein. Oui, absolument. Alors, on va continuer, on va retrouver avec l'œuvre suivante que vous avez choisie pour votre programme musical. On va retrouver un peu la programmation 2023-2024, puisque c'est une œuvre qui va être jouée par le violoniste Hugues Borsarello, Franck Braillet au piano. Donc, deux artistes qui se sont produits cette année dans le cadre de l'Association Lorraine de Musique de Chambre. Et je sais que vous êtes très attaché à Hugues Borsarello. Est-ce que vous pensez l'inviter la saison prochaine ou la saison suivante ? Alors, très honnêtement, pas dans les deux prochaines saisons, puisqu'elles sont déjà faites. Donc, je connais les violonistes qui vont déjà venir. Il n'en fait pas partie, mais il y a tellement de beaux artistes à inviter que j'essaye d'être éclectique et d'inviter tout le monde à la fois. Mais je garde une grande amitié à Hugues Borsarello, que je connais depuis très longtemps, et à Franck Braillet, qui était effectivement avec nous au mois de novembre dernier, et qui avait d'ailleurs, si je me rappelle bien, joué cette Sicilienne pendant le spectacle. Alors le disque est important, j'imagine, quand même pour vous. C'est un support qui vous permet de découvrir des artistes. C'est indispensable. C'est totalement indispensable. Ça me permet effectivement de découvrir des artistes, d'écouter la qualité, d'écouter leur compétence générale pour les jeunes artistes. Pour les autres, je ne me permets pas de porter des jugements sur les grands artistes. Ils sont ce qu'ils sont. Si je les aime pas, je ne les programme pas. Donc parfois les choix doivent être difficiles aussi pour vous. Oui, ça c'est... Sélectionné parce que vous avez 8 concerts, on va dire, à peu près par saison. Et 200 offres, à peu près. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est la grande souffrance. Quand il faut faire des choix, qu'il faut faire une sélection et qu'on dit, bon, lui je le prends pas, mais je prends celui-là. Ou que quelqu'un attend depuis très longtemps, comme c'est le cas pour certains, de venir et que je dis malheureusement non, simplement parce qu'il y a une autre opportunité qui s'est présentée et que je dois la saisir si je veux pouvoir la présenter au public. Voilà. Non, c'est c'est vraiment le côté le plus frustrant de cette position de programmateur, c'est de faire des choix, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Alors, on va retrouver donc la musique française. Ernest Chausson, vous avez choisi la Sicilienne extrait du concert. Ben, je vous remercie de l'avoir choisi parce que c'est une œuvre que je voulais passer depuis un moment et que j'oublie toujours de présenter. Bon, ben voilà, ça va être fait avec une version violon-piano puisque la version originale est pour quintette, me semble-t-il. Violon-piano-quatuor. Voilà, violon-piano-quatuor. Et donc là, on aura Hugues Borsarello au violon pour cet extrait et Franck Braillet au piano. Donc, pourquoi ce choix ? Oh, parce que c'est une musique très simple, très facile. Après Alexandre Nevsky, c'était relativement important de mettre quelque chose de plus léger. Et puis parce que j'aime beaucoup, et les deux interprètes et Chausson. Et puis cette œuvre en particulier, ce passage qui est très agréable à l'écoute. Thank you. La Sicilienne, tirée du concert d'Ernest Chausson, joué par Hugues Borsarello au violon, Franck Braillet au piano. Le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de musique de chambre. Donc on va continuer la présentation de votre programme musical, Philippe Fosseux, avec Britten. Alors j'ai remarqué, pour vous avoir reçu à plusieurs reprises, que vous aimez particulièrement le répertoire britannique, ce qui est assez rare quand même. Oui, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une musique qu'on a pas beaucoup l'occasion d'entendre. Et puis, cette programmation, on a fait un petit peu un tour d'Europe, enfin un tour du monde d'ailleurs. Hein. On est allé aux États-Unis, on est allé en Italie, on est allé en Russie. On a écouté du français. Je pense que la musique anglaise, c'est une musique qui est tout à fait étonnante. C'est une musique un peu somptueuse, je trouve. Hein. C'est vraiment quelque chose de très, très, très beau. Même si... certains pourront dire que Britten, c'est un peu une vision pessimiste de l'humanité. Bon, moi je trouve que même si ce que je vous ai sélectionné n'est pas particulièrement gay, puisque c'est une marche funèbre, mais c'est une très belle marche funèbre, très très agréable. Je pense que il a pas toujours fait l'unanimité, mais moi je l'aime, j'aime la musique anglaise, donc je bon, en tout cas, c'est l'un des plus grands compositeurs d'opéra de la seconde moitié du XXe siècle. Absolument, absolument. C'est vraiment un compositeur qu'on ne peut pas ignorer. Donc, mon choix allait aussi, et on en parlera aussi avec Elgar tout à l'heure. Allez, on l'écoute tout de suite, cet extrait des variations sur un thème de Frank Bridge, qui était son maître d'ailleurs, oui. Le professeur de Britten. La marche funèbre avec le BBC Symphony Orchestra, direction Andrew Davis. Thank you. Un extrait des variations sur un thème de Frank Bridge de Benjamin Britten avec le BBC Symphony Orchestra et Andrew Davis. Le choix de mon invité, Philippe Fosseux, président de l'association Lorraine de Musique de Chambre. Et on va continuer notre programme, le programme que vous avez choisi, avec Gabriel Fauré. Alors c'est un compositeur qui compte beaucoup, ça, Gabriel Fauré, pour vous ? Bah oui, c'est quand même un des grands compositeurs français. Un grand parmi les grands, c'est un homme qui a fait beaucoup de musique de chambre, qui a travaillé sur tous les styles ou à peu près. C'est très agréable. C'est une musique qui est facile d'écoute, qui est entraînante. Et là, je vous propose d'écouter quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur. C'est le Cantique de Jean Racine. Alors, c'est un enregistrement qui est un enregistrement un peu historique, puisque c'est la chorale Philippe Caillard qui n'existe plus, mais et l'Orchestre National de l'Opéra sous la direction de Louis Frémaux. Donc c'est un très bel enregistrement. Alors le Cantique de Jean Racine n'est pas de Racine, hein, c'est une traduction faite par Racine d'un bréviaire romain. C'est une œuvre de jeunesse. Il l'a composée à l'école Niedermeyer. Niedermeyer, c'était un grand compositeur et pianiste lui-même. Et il avait obtenu le premier prix de composition, je parle de Fauré, pour cette œuvre. C'est une œuvre que tous les chœurs dignes de ce nom chanteront encore, qui a encore été chantée très récemment à Metz, avant le Requiem de Fauré qui a été donné la semaine dernière. Une œuvre incontournable à mon avis. Et Fauré qui sera peut-être au programme des concerts de l'association l'année prochaine. Oh, il y a forcément du Fauré quelque part. J'ai pas tout en mémoire, ouais. Mais je peux vous dire qu'il y aura forcément du Fauré. C'est impossible de faire de la musique sans passer par Fauré. Le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré avec la chorale Philippe Caillard et l'orchestre de l'Opéra de Monte-Carlo, direction Louis Frémaux, choix de mon invité, Philippe Fosseux, qui était également pianiste, pas seulement président de l'Association Lorraine de Musique de Chambre, vous avez étudié le piano. Qui était pianiste, effectivement. Non, je suis une famille de musiciens. Mon père était chef d'orchestre, ma mère était pianiste, ma grand-mère était pianiste, mon grand-père était pianiste et chef d'orchestre, puisque c'est lui qui a écrit la méthode Rose que la plupart des jeunes filles connaissent. Allez, on va écouter votre dernier choix, quelques mesures, hélas, trop courtes, de la suite au temps d'Holberg d'Edvard Grieg. Tout à fait, c'est un... Un extrait de Trop court de la suite Holberg de Grieg, le choix de mon invité avec l'orchestre symphonique de Berlin, Herbert Sandberg. Merci Philippe Fosseux d'être venu nous présenter donc les prochains concerts de la LMC. Merci à Ghislaine Dalman-Richard de l'avoir accompagné. Donc on va rappeler le concert du Quatuor Modigliani, c'est donc le 11 mars à 20h, salle Poirel. Merci. J'espère vous y accueillir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.